Bien-aimés, je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez très bien, en ce qui me concerne, tout va bien. Frères bien-aimés, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour venir nous éclairer, parce que Jésus est la lumière. C'est parce que Dieu nous voyait dans des rites et traditions, dans des cultures, dans des habitudes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parce que Satan a réussi à nous entraîner dans l'erreur et il nous a fait croire à des choses qui sont vraiment, qui ne sont pas la vérité. Les hommes sont enfermés là-dedans. Ils croient qu'en faisant cela, ils rendent un culte à Dieu. Alors que vraiment, le diable et ses démons se moquent des hommes. Une sœur m'a appelé la nuit. En fait, elle voulait savoir si j'étais disponible pour assister samedi prochain à la messe de requiem de son père. En fait, son père est mort il y a de cela 9 ans. Et à cette date-là, elle organise toujours un repas et invite un prêtre pour que ce dernier vienne prier pour le repos de l'âme de son père. Le repos de l'âme. Ça fait 9 ans qu'elle fait ça. Elle invite un prêtre pour que le prêtre prêche pour le repos de l'âme. Elle croit que la prière du prêtre fera en sorte que Dieu ouvre la porte à l'âme de son père. Beaucoup croient à ça, beaucoup. Elle n'est pas la seule. Mais moi, je voudrais savoir, je comprends pourquoi Jésus a dit, quand je viendrai, est-ce que je trouverai la foi sur terre ? Et on peut vraiment dire combien croient en Dieu. Combien de personnes sur terre croient vraiment en Dieu. C'est quoi croire en Dieu? C'est croire en sa parole. Croire en Dieu, c'est si Dieu a dit, il ne change jamais de bouche. C'est ça croire en Dieu. C'est que Dieu a dit, il n'a jamais fait le contraire. C'est ça qu'on appelle croire en Dieu. C'est ça croire en Dieu. Puisque Dieu a dit ça, il ne fait jamais le contraire de ce qu'il a dit. C'est ça croire en Dieu. Je vais lire ce que Jésus dit dans Marc chapitre 16 au verset 15. Jésus s'adresse aux disciples et il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Parole de Jésus. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'y a rien à faire. Il est fidèle à sa parole. Ce qui sort de sa bouche, ça me l'accomplit. Il ne change jamais. Il ne fait jamais le contraire de ce qu'il a dit. Il ne change jamais. Ce qu'il dit, c'est ce que sa main accomplit. Il n'est pas comme un homme. Je peux te promettre de l'or aujourd'hui. Demain, je change de bouche. Le diable te dit, donne-moi ton âme, je vais te bénir. Et quelques temps après, il t'égorge par un accident ou par autre chose. Mais Dieu, ce qu'il dit, qu'il pleut ou qu'il neige, il reste fidèle à sa parole. C'est ce qui fait la différence entre lui et les hommes. Pourquoi je te dis ça, toi qui es à fond dans les messes de requiem? C'est pas pour te décourager, mais je voudrais seulement que tu saches que ce que tu fais là n'a aucun sens, ça ne sert à rien. Jésus-Christ a dit, ce sera comme au temps de Noé dans Luc, évangile de Luc 17, verset 27. Jésus dit, ça va se passer exactement comme au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, ils faisaient leurs affaires, ils s'occupaient de leur commerce, ils s'occupaient de leur train de vie, ils buvaient, ils allaient dans les soirées, ils faisaient la fête. D'accord? Jusqu'à quand Noé est rentré dans l'arche et le déluge a commencé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a vu qu'il y avait l'abomination, le péché, l'ignominie sur terre. Et il a dit non, je vais arrêter ça. Parce que Dieu ne supporte pas l'iniquité. Dieu ne supporte pas l'abomination. Et il a dit à Noé, Noé, construis l'arche, parce que là, je veux faire venir un déluge. Noé a cru à Dieu. Et il a commencé à construire petit à petit l'arche. Tous les voisins, les gens qui le voyaient, ils disaient, oh Noé, bonjour, c'est quoi ça? Je construis l'arche, pourquoi faire? Dieu m'a dit, il y aura un déluge. Les gens rigolaient. Les gens se moquaient de lui. Personne ne le prenait au sérieux. Ils disaient, oh, mais vous avez vu Noé? Mais il est devenu fou. Il paraît que le déluge va venir. Mais les gens rigolaient parce qu'il n'y avait aucun signe qui pouvait prouver aux gens, les convaincre qu'effectivement, il y aura un déluge. Aucun. Il n'y avait pas de signe. Tout était bien, soleil, tranquille, comme d'habitude. C'est pourquoi les gens ne croyaient pas à ce que Noé disait. Mais la parole de Noé venait de Dieu. Effectivement, Dieu devait faire venir un déluge. Alors Noé, et ton déluge là, c'est pour quand? Les gens rigolaient. Il a subi la moquerie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le déluge commence. Parce que quand Noé est rentré, Dieu a verrouillé la porte. Et le déluge a commencé. Bien-aimé, Dieu n'a pas dit, Noé, excuse-moi, vous êtes au nombre de combien là-bas? Il y a combien de personnes en ce moment? Non. Il a fermé la porte. D'accord? Il n'a pas dit, Noé, bon, attends, il y a encore trop de monde dehors. D'accord? Non. Dieu a un temps. Il respecte son temps. Quand son temps arrive, il se manifeste. Il agit. Il n'attend pas qu'il y ait deux personnes dans l'arche ou quatre personnes et qu'il y ait des millions dehors. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Il n'a pas dit, Noé, dis-moi, vous êtes au nombre de combien là-bas? L'arche a été verrouillée. Il y avait des millions de personnes derrière, dehors. Et l'eau a commencé à inonder. L'eau, l'inondation a commencé. La pluie, c'est sûr que les gens, quand ils ont commencé à voir l'eau, ils se sont dit, bon, c'est une pluie, hein? On est habitué à des pluies ici. Mais cette pluie-là était spéciale. C'est une pluie qui ne devait pas s'arrêter. Et l'inondation a commencé à monter, monter. Les arbres commençaient à s'enfoncer des maisons. Les gens ont commencé à nager. Qu'est-ce que vous croyez? Des gens sont venus taper. Noé, oh, Noé, on est en train de mourir. Oh, oh Dieu, pardonne-nous. Oh Dieu, ouvre la porte. Oh Dieu. Mais les gens criaient à Dieu. Vous avez même un païen. Quand un danger arrive, tout le monde dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tout le monde pense à Dieu quand le danger est là. Ces gens ont supplié Dieu quand ils ont commencé à voir des gens se noyer. Oh Dieu, pardonne-moi, oh Dieu. Est-ce que Dieu a ouvert la porte? Il avait dit à Noé, fais entrer les gens, demande aux gens d'entrer dans l'arche parce que je vais faire venir le déluge. Parce que quand Noé termine la construction de l'arche, il a commencé à dire, venez entrer, Dieu m'a dit, le déluge va arriver, venez. Personne ne le prenait au sérieux. Mais c'est Dieu qui avait dit à Noé, dis-leur que celui qui ne rentre pas là-dedans est condamné. Et c'est ce qui est arrivé. Même s'il y avait des centaines de milliers dehors qui buvaient l'eau, Dieu, est-ce que Dieu ouvre encore la porte? Parce que Dieu respecte sa parole. Vous croyez que Dieu n'est pas amour? Vous croyez qu'il a changé? Ce n'est pas le Dieu de miséricorde. Le problème, c'est que quand la parole est sortie de sa bouche, il ne peut plus rien. Dieu n'a jamais fait le contraire de ce qu'il a dit. Quand il libère sa parole, c'est bon. Il ne change plus. C'est pourquoi. Mais Dieu avait pitié des gens qui mouraient là. Mais comme lui, il ne peut pas faire le contraire de sa parole. C'est ça le problème. Il avait pitié de ces gens. Il entendait les cris de ces gens. Mais il ne pouvait plus rien faire parce qu'il veille sur sa parole. Il ne peut pas dire une chose et il fait le contraire. C'est pourquoi là les gens étaient en train de mourir. Mais la Bible dit que Jésus, le Fils de Dieu, il est venu. Et il dit, annoncez à tout le monde la bonne nouvelle. Celui qui ne croira pas en moi, fini, c'est fini. Il est déjà condamné. Parce que le jour de ta mort, c'est bon. La condamnation, ce n'est pas devant. Tu vas là avec la condamnation parce que tu n'as pas cru en lui. Maintenant, là. C'est ça le problème. Parce qu'il ne change pas de bouche. Si Jésus me dit, si tu ne crois pas en moi, tu es condamné. Et puis mes parents vont venir faire les messes de requiem. Oh Jésus, pardon. Oh Jésus, pardonne-le. Pardonne-le. Imaginez que Jésus m'ouvre la porte. Ça veut dire que Jésus ne tient pas sa parole. Ça veut dire que Jésus a l'habitude de dire quelque chose, après il fait le contraire. C'est ce que ça veut dire. Si je meurs tout de suite, je ne croyais pas en lui. Je m'occupe, j'étais dans la sorcellerie. J'étais dans la Rose-Croix. J'étais dans la franc-maçonnerie. J'étais dans des pratiques occultes. J'avais des fétiches. Je passais mon temps chez les marabouts, chez les ngangas. Je passais mon temps dans le vol, dans les adultères. Dieu, je ne faisais pas de prière. Je ne lisais pas la Bible. La mort me frappe. Jésus dit, tu es déjà condamné. Et puis mes parents vont venir. Oh Dieu, les prêtres, les pasteurs, ouvre-lui la porte. Et puis, Dieu m'ouvre la porte. Ça veut dire quoi? Il ne tient pas toujours parole. Ça veut dire qu'il peut dire quelque chose et après, il fait le contraire. Oh, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Quand les gens buvaient l'eau pendant le déluge, il entendait leurs cris. Il avait pitié d'eux, mais il ne peut plus rien faire parce que dans son habitude, quand il a libéré une parole, il la respecte. Il la respecte, n'a jamais fait le contraire de ce qui est sorti de sa bouche. Sa bouche dit que si quelqu'un ne croit pas sur moi, ne croit pas en moi, lorsqu'il est encore sur terre, ce mort-là est déjà condamné. Il ne fera rien contrairement à ce que sa parole a dit. C'est important. Parce que quand tu comprends ça, tu n'as plus besoin de faire les messes de requiem. Pourquoi? Tu n'as plus besoin. Parce que s'il fait le contraire devant, alors que ça c'est Jésus a dit, celui qui ne croit pas en moi est déjà condamné. Si je meurs aujourd'hui, je ne croyais pas en lui. J'arrive devant et puis me dit, bon, comme tes parents m'ont interpellé, passe. Vous croyez que Dieu c'est ça? Vous croyez que vraiment, ça veut dire qu'il est menteur, il ment à lui-même. Il a dit, celui qui ne croit pas en moi, c'est condamné. Teddy là ne croyait pas en moi, et puis il est maintenant au paradis, alors qu'il ne croit pas. Ça veut dire que Dieu fait le contraire de ce qu'il a dit. Or, ce n'est pas dans ses habitudes. Il est ferme. Quand les gens criaient au temps de Noé, il entendait leurs cris. Mais il ne peut plus rien, parce qu'il avait déjà donné une parole à Noé, que celui qui ne rentre pas dans l'âge, c'est fini pour lui. C'est ce qui fait la différence entre l'homme et Dieu. Le diable peut te promettre des choses quand tu signes le pacte. Satan ne va pas les remplir, ne va pas les respecter. Parce que c'est le père du mensonge. L'homme peut dire à une femme, je t'aime chérie, gna gna gna gna gna, et après il change. Mais Dieu, quand c'est sorti, il veille à ça. Qu'il pleut ou qu'il neige. Qu'il y ait 6 personnes dans l'arche et qu'il y ait des millions dehors, il ne peut plus rien faire. Il a dit, si quelqu'un n'est pas dans l'arche, il est mort. Les millions là vont mourir. Parce que Dieu ne change pas de bouche. Il ne fait jamais le contraire de ce qu'il a dit. La Bible dit, c'est exactement comme au temps de Lot. Lot vivait dans un milieu d'abomination, Sodome et Gomorre, l'homosexualité. N'est-ce pas? La prostitution, le crime, les avortements, l'ivrognerie, les gens se saoulaient la gueule. Il y avait le crime. Il y avait l'ambiance, les gens étaient dans l'ambiance. Ils ne pensaient qu'au désir charnel. Il y avait de la sorcellerie en pagaille. Et Dieu dit non, je vais détruire Sodome et Gomorre. Trop, c'est trop. Trop d'abominations. Et il a dit l'autre, sors. Vous vous rendez compte du nombre de victimes à Sodome et Gomorre? C'était des millions. Parce que quand le temps de Dieu arrive, il est arrivé. Dieu n'a pas les pensées d'homme. Dieu n'a pas dit à Noé, bon, comme il y a encore des millions dehors, non, je suis le Dieu d'amour. Non, je suis le Dieu qui pardonne. Non, non, non, non, non, il y a encore trop de monde dehors. Non, je vais retenir le déluge. Je vais retenir parce qu'il y a encore trop de monde dehors. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit à Noé, ok, dis-moi, Noé, vous êtes au nombre de combien là-bas? Il n'a pas dit ça. Dieu regarde son temps. Chaque personne sur la terre, tu as un temps. tu as un temps, le jour où tu es né, et le temps que Dieu a fixé que tu dois partir. Il y a un temps. Et quand ce temps arrive, tu dois partir. Parce que la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Et tu vas au jugement. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, après la mort d'un homme, direct au jugement. Personne ne peut échapper au jugement. Quand tu arriveras au jugement, on ne va pas te dire tu as donné combien d'argent à tes parents. On ne va pas te dire est-ce que tu avais offert un porte-épic à ton oncle. On ne va pas te dire est-ce que tu avais acheté le cahier ou les livres à ton neveu. On ne va pas te dire est-ce que tu donnais, n'est-ce pas, la nourriture aux pauvres. As-tu reçu Jésus? Oui ou non? Parce que c'est celui qui croit en lui qui sera sauvé. Celui qui ne croit pas est condamné. Les choses sont simples devant. Au niveau du jugement, c'est simple. Parce que si tu as reçu Jésus, tu obtiens automatiquement le pardon de tes péchés. Si tu ne l'as pas reçu, condamnation. Et puis on passe autour de l'autre. On ne perd pas du temps. On ne va pas te dire au jugement de Dieu, tu faisais quoi de ton argent? Non! As-tu reçu Jésus? Point bas. Donc, au temps de l'autre, c'était pareil. L'abomination de Sodome et Gomorre. Et Dieu a dit à l'autre, vas-y. Et le feu a commencé à tomber. Les gens mouraient. C'était des foules qui mouraient, des foules. Ils criaient à Dieu. Oh Dieu, pardon, oh Dieu, pardon, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Vous savez, quand le danger est là, même un incrédule dit, oh Dieu, oh Dieu. Tout le monde pense à Dieu quand le danger est là. Donc quand il y avait l'eau au temps de Noé, tous les gens qui se moquaient de Noé, tout le monde maintenant criait à Dieu. Dieu, pardon, oh Dieu, sauve-moi, oh Dieu, Dieu. Vous croyez que Dieu n'entendait pas? Il entendait, mais Dieu, quand il a libéré une parole, il ne peut pas faire le contraire. Ce n'est pas dans ses habitudes. C'est ça le problème. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, verset 59. Un jeune homme est parmi les personnes qui vont à l'enterrement de son père. Son père est mort. Ce jeune homme est là dans le deuil. Il veut assister à l'enterrement. Là, on est à l'enterrement là. Voilà que Jésus passe dans les parages. Il voit ces gens-là qui vont à l'enterrement. Et parmi ces personnes, il y a un jeune homme. Hé, jeune homme, viens ici. Suis-moi. On va aller. Suis-moi. Mais ce jeune homme-là, c'est son père. C'est pas son ami, son papa. Et il peut dire à Jésus, je ne refuse pas de te suivre, mais le cercueil que tu vois là, le mort là, c'est mon papa. Seigneur, je t'en prie, je veux au moins assister, c'est mon père. Parce que si je n'assiste pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Jésus lui dit, laisse ces morts là enterrer leurs morts, suis-moi. Mais pourquoi Jésus le lui dit? Pourquoi Jésus ne lui dit pas, ok d'accord, on va tous assister après? On partira. Jésus lui dit, laisse les morts parce que Jésus sait, Jésus connaît toutes choses. Il sait que mon petit, ça ne sert à rien ce que tu vas faire là. Mon petit, c'est trop tard. Là, on ne peut plus rien faire pour cette personne. Ne perds pas du temps avec ça. C'était un mort. Il y avait sûrement des prêtres là ou des pasteurs. Parce que là, on va à l'enterrement. Mais Jésus lui dit, laisse tomber. Ne perds pas ton temps avec ça. On ne peut plus rien faire là. Son compte est déjà scellé. Allons, suis-moi, ne perds pas ton temps avec ça. Combien parmi vous interpelle Jésus devant un cercueil qui prie pour les messes de requiem? Jésus a-t-il changé? Est-ce que quand ce jeune homme voulait assister à l'enterrement de son père, est-ce que Jésus a dit, ok, comme c'est ton papa, c'est quand même grave, je t'accompagne. Mais Jésus, la Bible dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Jésus fait quoi là où il y a des cadavres? Dieu n'est pas le Dieu des morts. Vous priez Dieu pour un cadavre. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Prie Dieu pour un de tes parents ou amis qui est encore vivant. Ne prie pas Dieu pour les morts. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. C'est pourquoi Jésus, lorsque le jeune homme voulait suivre le cercueil pour aller à l'enterrement, Jésus lui dit, allons. Ne perds pas ton temps avec ça, laisse-les, allons. Quel Jésus vous allez invoquer devant vos cercueils? Jésus a-t-il changé? Pourquoi Jésus n'est pas allé, n'a pas suivi ce cercueil-là? La Bible dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu n'a rien à foutre avec des cercueils. Dieu n'a rien à foutre avec des morts. C'est le Dieu des vivants. Puis Jésus, pour ton parent qui est encore vivant, pas pour le cadavre qui est devant toi, parce qu'il n'est pas le Dieu des morts. C'est la leçon que Jésus fait comprendre à ce jeune homme. Ne perds plus ton temps avec ça, laisse-les. Suis-moi, suis-moi. C'était son père, c'était pas n'importe qui. Donc c'est pour vous dire que toi, est-ce que tu crois vraiment en Dieu, toi qui fais des messes de requiem? Toi qui crois à ça, s'il te plaît, crois-tu vraiment en Dieu? C'est quoi croire en Dieu? Celui qui croit en Dieu sait que, oh, Jésus a dit, celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné. Parce que Jésus, là, je le connais. Quand il a dit, oh, vous pouvez tout faire, vous pouvez crier comme le tonnerre, il ne change jamais d'avis. Là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, lui, il respecte ce qu'il a dit, oh, parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc là, nos messes là, ça ne sert à rien. Parce que quand il a dit, lui ne change jamais de bouche. Il ne fait jamais le contraire de ce qu'il a dit. C'est ça qu'on appelle croire en Dieu. Croire en Dieu signifie, je crois à ce qu'il dit, parce qu'il ne change jamais de bouche. C'est ça la foi. Parce que quand tu veux faire tes messes de requiem, c'est comme si, bon, il a dit, il sera condamné. Bon, je le connais, hein. Il arrive parfois qu'il change d'avis. Il arrive parfois qu'il change d'avis. On va quand même faire des messes de requiem. On va l'interpeller pour l'âme, pour le repos de l'âme de notre parent. Même s'il a dit que si quelqu'un ne croit pas, il est condamné, nous on va continuer à le supplier. Il lui arrive parfois de changer d'avis. C'est grave. Si tu penses comme ça, si tu fais les messes de requiem, tu ne crois pas que Dieu est sincère. Tu ne crois pas que Dieu est fidèle à sa parole. Moi, je crois qu'il est fidèle à sa parole. Si je suis mort dans ma famille, je vais dire messes de requiem, ce n'est même pas la peine. Quand Jésus a dit, il a dit. Quand Jésus a dit, il a dit, lui ne change jamais de bouche. Il ne va pas faire le contraire de ce qu'il a dit. Mais si toi, tu vas faire les messes de requiem, c'est que toi, tu crois qu'il peut faire le contraire de ce qu'il a dit. Donc, conclusion, il lui arrive parfois de ne pas tenir parole. C'est ça que ça signifie. Il lui arrive parfois de ne pas tenir parole. Bon, il a dit, d'accord. Bon, nous, on va continuer à le supplier. Parce que parfois, il ne tient pas parole. C'est ça que ça signifie. On va implorer sa grâce. Il aura pitié. Tu crois que les gens qui mouraient au temps de Noé dans l'eau, ils n'avaient pas pitié? Le problème, il faut bien le comprendre, c'est que quand Dieu sort sa parole, il n'a jamais fait le contraire de ce qu'il a dit. Il est comme ça, c'est sa nature. Tu peux pleurer, tu peux crier. Les gens au temps de Noé, quand ils ont commencé à boire de l'eau, tu crois qu'ils ne criaient pas? Tu crois, là-dedans, hein, parmi les gens qui buvaient l'eau, il y avait des bébés, il y avait des femmes enceintes, il y avait des hommes, il y avait des vieillards, il y avait des enfants. Tu crois que Dieu n'avait pas pitié? Le problème, c'est que lorsqu'il a libéré une parole, il ne peut pas faire autrement. Dieu est lié à sa parole. Dieu veille sur sa parole. Il n'a jamais fait le contraire de ce qui est sorti de sa bouche. Il a dit à Noé, celui qui ne rentrera pas dans l'arche, son compte est scellé. Il a parlé à son fils Jésus, va dire aux hommes, ce que celui qui ne va pas te recevoir là-bas, son compte est scellé. C'est le même Dieu. Au temps de Noé, c'est le même Dieu. Au temps d'aujourd'hui, c'est le même Dieu. Dieu ne vieillit pas. Au temps de Noé, ce n'était pas un jeune Dieu. Et qu'aujourd'hui, il a pris de l'âge. Il est devenu plus sage. Aujourd'hui, au temps de Noé, il était dur. Aujourd'hui, il est devenu quand même souple. Il a pris de la sagesse. Il a pris de l'âge. Donc, il ne réagit plus comme au temps de Noé. Comme il a pris de l'âge, aujourd'hui, il réagit différemment. Ça, c'est les hommes. Dieu est le même. C'est le même au temps de Noé, quand les gens mouraient dans le déluge. C'est le même. Il avait le même cœur qu'il a aujourd'hui. C'est la même personne. C'est quelqu'un, quand il sort de sa bouche, il ne peut plus rien qu'appliquer ce qui est sorti. C'est ça avec lui. Tu es comme ça, c'est sa nature. Tes prières, tes pleurs ne peuvent pas le changer. C'est ce qui fait la différence entre lui et sa créature. Il est différent des anges. Il est différent des hommes. Il est différent des démons. Lui, quand c'est sorti, c'est sorti. Il ne peut plus rien qu'appliquer ce qu'il a dit. C'est sa nature. Et il a dit, celui qui était là-bas, qui ne croit pas en moi, après sa mort, il est fini, on ne peut plus rien faire ici. Il ne peut pas changer de vent. Imaginez que moi je meurs aujourd'hui, je ne croyais pas en lui. Mes parents vont crier par les maisons de requiem, les prêtres, les pasteurs. Et puis, ils m'ouvrent la porte. Et les morts qui sont morts au temps de Noé, ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh Dieu, tu n'es pas juste. Tu dis dans la Bible que tu es le Dieu de justice, c'est faux. Parce que nous, au temps de Noé, on n'a pas cru. On est dans le feu, mais lui aussi n'a pas cru. Pourquoi tu lui ouvres la porte? Ils auront raison de le dire. Ils auront raison. Parce qu'ils sont dans le feu, parce qu'ils n'ont pas cru. Et pourquoi moi qui ne crois pas aujourd'hui, si je meurs, mes parents vont dire à Dieu, ouvre-lui la porte, et lui va m'ouvrir la porte. Il y a de l'injustice. C'est pourquoi Dieu est fidèle. De la même façon que les personnes au temps de Noé ont été condamnées parce qu'ils n'ont pas cru. Celui qui ne croit pas aujourd'hui est condamné. C'est ce que Jésus dit. Donc tes messes de requiem, mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien. Bon, maintenant, comme c'est la tradition, tout le monde fait ça. Mais je te dis que tu perds ton temps. Ça ne change pas la parole de Dieu. Ça ne change pas. Une fois que Dieu a libéré sa parole, il l'a libérée, il doit l'appliquer. Il faut que tu le comprennes. C'est ça, croire en Dieu. Dire que quand tes parents vont te dire on fait les messes de requiem, moi je ne suis pas dedans. Oh. Parce que Jésus, là, quand il a dit, oh, lui ne change jamais de bouche. Jésus, là, quand il a dit quelque chose, oh, il ne va jamais faire le contraire. C'est ça la foi. C'est ça, croire en Dieu. Croire que ce qu'il a dit, il le fait toujours. Il n'a jamais fait différemment. C'est ce qu'on appelle la foi. Que Dieu te bénisse.